idiote et de sel, l'océan m'appelle. Alors lâche-moi, je suis d'ailleurs. je suis ce bateau. Je me suis retrouvé. Raconte-toi.